Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs avec Saïdouan. Bonsoir et bienvenue dans Regard d'ailleurs, l'émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora, avec au sommaire de Rimactu, un début de dialogue entre le pouvoir et l'opposition en Mauritanie, l'incompréhension des étudiants après l'annulation de la liste des boursiers. La première édition du festival Sahel Jazz Plus se déroule du 24 au 3 mai à Nouakchott. Nous joindrons son directeur Abdoul Amadissar. Seta Camara nous rejoint dans un instant pour développer ses titres. Bassuley et Nadal Wakaf sont sur le plateau. Ensemble, nous recevrons le jeune écrivain mauritanien Bayro Bakoïta. Il vient de publier aux éditions Edit Livre Direct 24 heures, un récit qui se déroule à Nouakchott en 24 heures où il est question de jeunesse, d'éducation, de drogue, de corruption, de crimes et j'en passe. En quoi ce livre reflète la vie des Nouakchottois, nous en discuterons tout à l'heure avec son auteur Bayro Bakoïta. On fera également un tour sur la toile pour l'actu des réseaux sociaux avec Amadou Kane. Enfin, notre invité Bayro Bakoïta répondra au questionnaire. Vous connaissez la formule, chers auditeurs, vous réagissez sur notre page Facebook, regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com mais aussi avec le hashtag RA. C'était le sommaire de ce numéro de Regard d'ailleurs. Place à Rimactu avec Seta Camara. Seta, bonsoir. Bonsoir. Un début de dialogue entre le pouvoir et l'opposition en Mauritanie. Oui, c'était ce samedi 18 avril. Le MAPROM organisait en France une conférence débat sur le dialogue entre le pouvoir et l'opposition en Mauritanie. Au même moment, à Nouakchott, une rencontre réunissait des représentants du pouvoir en place et ceux de l'opposition du FNDU, donc qui signifie Forum National pour la Démocratie et l'Unité. Quelle était l'issue de cette rencontre? Tout d'abord, elle a duré moins d'une heure. Donc les deux parties ont réaffirmé, comme elles le font souvent, leur volonté de mener un dialogue inclusif. L'opposition veut des préalables comme l'accès équitable aux médias, la publication de la déclaration du patrimoine du président ou encore l'engagement formel de l'application des conclusions du dialogue. Sur le fond, l'opposition exige la neutralité de l'armée et de la justice et surtout la libération de Biram Dahabeid et de ses camarades. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du pouvoir. On passe au deuxième titre, l'incompréhension des étudiants après l'annulation de la liste des boursiers. En effet, le ministère de l'enseignement supérieur a pris cette décision pour le moins radicale, quelques jours seulement après la Commission nationale des bourses l'avait accordée à peu près 3398 étudiants. Les raisons évoquées seraient le nombre trop important de boursiers par rapport à l'enveloppe allouée par le gouvernement. Et quelle était la réaction des étudiants? Comme vous pouvez l'imaginer, eux qui réclamaient depuis des années la généralisation des bourses, la JMF a appelé un sit-in devant l'ambassade de Mauritanie à Paris. Le SNEM et d'autres centrales syndicales d'étudiants en Mauritanie ont dénoncé cette décision. Une seconde liste serait publiée ou est en cours de publication. On passe enfin au troisième titre pour finir de la musique. Oui, on finit ce Rimactu en chanson. La première édition de Festival Sahel Jazz Plus s'est ouverte hier à Nouakchott et s'y poursuit jusqu'au 3 mai. Le directeur festival Abdoul Amadissar nous en parle. Le but de ce festival, c'est d'introduire le jazz dans la musique mauritanienne et encore donner une autre valeur à la musique mauritanienne, parce que notre musique, notre patrimoine musical, bien que très riche, ne joue pas le même rôle que joue le jazz dans les autres pays. À savoir que le jazz, quelque part, à un certain moment, est devenu un vecteur de rapprochement de paix et d'union. Alors que notre musique, quelque part, ici à Mauritanie, et chaque musicien joue pour son maîtrise. C'est-à-dire, je veux dire que je ne veux pas que les poulards, mais ils sont écoutés par des poulards, il n'y a aucune attente des musiciens. Nous voulons que cette attente du festival, qu'on crée une musique dans laquelle tous les Mauritaniens se trouveront. C'est que la musique mauritanienne joue un rôle de rapprochement pour l'unité et la paix du pays dans le pays. Un rapprochement entre les cultures. Je rappelle que vous pouvez écouter l'intégralité de cet entretien avec Abdoul Amadissar, directeur festival Sahel Jazz Plus, sur notre site rmiinfo.com dans la rubrique Entretien d'Rémi. C'était Rimactu avec Seta Camara. Merci Seta. Merci. Seta, qu'on nous retrouve en fin d'émission pour le questionnaire. Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, Bayro Bakoïta, qui vient de publier Direct 24 heures, nous rejoint sur ce plateau. Le temps qu'il s'installe, je vous propose un single sorti d'il y a une semaine. Son auteur n'y va pas par 3-4 chemins. Il appelle tout simplement la Raïs à quitter le pouvoir. Voici Umzo du collectif Minentei dans Quitte le pouvoir. Warriors, keep it warriors. Umzomo minem te warriors. Ra. Warriors. Why come to the samba job warriors. Ra. Mauritania. Revolution is now or never. Keep it warriors. President Bo Fernando Bonne Letima. Warriors. Keep it warriors. We must keep the pouvoir. Keep the title pouvoir. Warriors. Keep it warriors. President Bo Fernando Bonne Letima. Warriors. Keep it warriors. We must keep the pouvoir. Keep the title pouvoir. Mon peuple en a assez. Mon ten way confirme mon endo. Fondre pouvoir. Mon fauvin chante le code des bois. Et chante pas les noms des idées. Pouvoir militaire. Vous écoutez, non, aucun respect pour mon drapeau jaune et vert. Mon peuple en a assez. Changement que Johnny. Mais je dis qu'on s'y fait compétent pour nos mille condis. Le pouvoir au peuple. L'adhésion au peuple. Qui entend tout le temps, moi général pour le camp. Mon peuple en a assez. L'aime le tout à dit mon fara. Et ton fils l'a confirmé. Je vais tenter de me rendre à la loyale. Je dis qu'on a la paix. Je dis qu'on a la paix. Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, notre invité répond au questionnaire. Juste avant, Amadou Kane nous parle de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout de suite, place justement à notre invité Bayeroba Koïta. Bayeroba, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Nada, bonsoir à Basile, et également sur le plateau qui a lu le livre de Bayeroba Koïta, Direct 24h. Vous êtes un jeune écrivain, Bayeroba Koïta, vous venez de publier, juste comme je viens de le dire tout à l'heure, Direct 24h, c'est votre premier livre. Ma première question est la suivante, d'où est-ce que vous est venue cette envie de créer des personnages, de raconter des histoires et d'écrire tout simplement? Bah, tout d'abord, je vous remercie de m'accorder cette invitation. Merci d'avoir accepté. Donc, c'est une vraie opportunité pour moi de pouvoir m'expliquer sur mon projet. Donc, l'écriture, pour moi, depuis tout le début, ça a été une passion. Et puis, au fil des années, j'ai vu qu'il y a vraiment des sujets sur lesquels on pouvait débattre. Donc, la société à Nouakchott, il y a plein de choses à dire là-dessus. Je rappelle que votre livre se passe à Nouakchott, oui. Exactement. Donc, j'ai voulu tout simplement montrer les actes antimorales, les actes antimorales ou je sais pas. Ou des femmes asociales. Asociales ou immorales ou hors la loi et ainsi de suite. Donc, c'est juste des choses qui sont réprimandées par les autorités. Alors que dans les faits, on voit que dans la société, il y a beaucoup de hors-la-loi, il y a beaucoup de gens qui se fichent de la République et qui se fichent des lois. Et qui font à peu près ce qu'ils veulent. Et qui font tout ce qu'ils veulent. Et on va en parler tout à l'heure en profondeur du livre. Votre livre, comme on l'a dit, s'appelle Direct 24 heures. Déjà, le titre évoque quelque chose. C'est comme si vous avez essayé de condenser la vie des Nouakchottois en 24 heures, je crois. Oh. Avant que vous répondiez, je vais donner justement la parole à Nada. Oui, monsieur... Koïta. Bayeroba Koïta. J'ai bien lu votre livre intitulé « Direct 24 heures » avec un grand intérêt. Vous essayez en fait, quand on vous lit, comme vous les décrivez dans le livre, vous essayez de dénoncer certains phénomènes sociaux tels que la corruption, la délinquance, la drogue, mais aussi vous remettez en cause la morale républicaine. Par contre, j'ai une petite critique. Parce que je trouve que le titre du livre ne reflète pas complètement le contenu. C'est-à-dire, quand on vous lit, on a l'impression qu'en 24 heures, à Nouakchott, il se passe que ces récits que vous décrivez, en fait. Il n'y a que des lycéens qui se droguent, le député qui n'accomplisse pas son boulot comme il faut, qui propose souvent des tentatives de corruption, commissaire qui l'accepte d'ailleurs, ou des femmes qui se droguent. Alors, il y a des lycéens qui réussissent leurs études, il y a des cadres qui sont honnêtes. On a l'impression que vous mettez tout le monde dans le même sac ou vous généralisez, en fait. C'est un roman, Bayeroba répond. Vous aurez, par exemple, proposé, je ne sais pas moi, un autre titre, comme par exemple « Défi de la société mauritanienne en 24 heures » ou au moins, voilà, que vous soyez nuancé, qu'il y a aussi... C'est... Oui, Robert répond. Oui, bah, je note vos observations. Juste pour vous dire que le titre est juste symbolique. Ce qui m'importe, moi, c'est le contenu du livre, en fait. C'est-à-dire que Direct 24 heures, c'est un titre symbolique, en même temps, c'est un titre évocateur, parce que ce qui est raconté dans le livre est vécu tous les jours en Anshot. Pardon. Tous les jours, on a des jeunes qui se droguent, qui ne vont plus à l'école, ou bien qui vont à l'école juste pour aller acheter des hashish ou quelque chose comme ça. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais c'est juste pour nuancer les choses quand même. Oui, mais je suis parfaitement d'accord avec vous aussi, mais juste pour vous dire que tous les jours, l'histoire de mon livre se déroule en Anshot. Ça, c'est une réalité. Et c'est quoi ces histoires? On ne va pas raconter forcément à la fin du livre pour laisser aux auditeurs le plaisir de lire. Mais il y a question d'école où les gens viennent jusqu'à l'école, mais ne vont pas en cours, n'entrent pas en cours. Est-ce la réalité de beaucoup d'élèves, de certains ou de tous les enseignants? Moi, je parle de manière générale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'école qui est représentée dans mon livre. Il y a la famille, il y a les juridictions, il y a l'État qui est représenté par les députés, ainsi de suite. Donc, moi, je parle juste des gens qui se fichent de la loi et de presque toutes les valeurs que ce pays prétend défendre, en fait. C'est-à-dire, on se prend pour... on se dit République islamique, mais dans le fond, il n'y a pas... Il est question d'alcool qui est vendu. Il est question d'alcool, il est question de drogue, il est question de corruption, il est question de crime. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui est écrit sur le papier. Donc, ce que j'ai écrit, désolé, je le répète, ça se passe tous les jours. Tous les jours, vous avez des jeunes, au lieu d'aller en cours, ils se regroupent, ils cotisent et ils font acheter de la drogue. Vous avez des femmes, des femmes de foyer qui s'enferment dans leur maison pour boire de l'alcool. Ça existe en Mauritanie. Oui, c'est raconté donc, dans le livre, oui. Exactement. Donc, vous avez des députés qui, une fois que leurs enfants sont mis en cause, ils font tout. Bon, si je dis ils font tout, ils essaient de corrompre quand même les agents de... Pour avant tout sauver leur image, parce que... Exactement. Père, dans le roman, il ne parle pas de son fils, en fait. Il parle de son image de politicien. Exactement. Il parle de son image et puis, voilà. Donc, il préfère sauver son propre image plutôt que de servir l'intérêt national. Sa mission en tant que député. Voilà. Je vais donner la parole tout de suite à Basulé. Moi, quand je lis votre livre, en fait, je vois en grande partie vous relater c'est le récit de la dépravation et la débauche des jeunes Nouakchottois. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que la plupart de ces jeunes-là ne sont pas des jeunes issus de la classe inférieure, en fait, de banlieue. C'est souvent ceux qui sont de la classe moyenne. Quand on chemine dans votre livre, on se rend compte que c'est toujours, comme on vient de dire, des fils de débités, des fils de professeurs, des gens qui ont plus ou moins de moyens. C'est un groupe. C'est un groupe. Et dans ce groupe-là, on peut retrouver celui qui va chercher le hashish. Ouais. C'est un jeune qui connaît les gars des quartiers. Exactement. Et c'est lui qui... Lui, il n'est pas forcément riche. Il n'est pas forcément riche. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez accepté ce couplage entre les jeunes des quartiers nord et les jeunes des quartiers sud, quand on sait que les jeunes des quartiers sud ont plus de difficulté à s'en sortir que les jeunes des quartiers du Nord? Non, il y a les jeunes de tous les quartiers de Nouakchott. Si vous avez bien lu mon livre, vous verrez que Oumar Fall... Ne dites pas qu'on n'a pas bien lu votre livre, on a bien lu votre livre. Oumar Fall, Kaloudou Sao, Abdoulaye, je n'ai pas mis son nom de famille parce que ce n'est pas un acteur aussi principal que ça. Tourad, Ousmane, et enfin qui? Oui, mais répondez à la question. Voilà. Non, mais en fait, c'est ça, parce que c'est un groupe de jeunes terminalistes. Ils sont au nombre de 4 ou 5, mais ils n'ont pas tous les mêmes statuts. Hein. Vous avez un seul qui est riche, c'est Oumar Fall, l'acteur principal, parce que lui, il est fils de député. Mais les autres, bon, on peut dire que Kaloudou Sao, lui, fait partie de la classe moyenne. Mais les autres, je ne sais même pas si on peut parler de classe moyenne. C'est la classe normale, on va dire. Donc voilà, en fait, je n'ai pas ciblé uniquement les riches. J'ai ciblé tout. D'accord, je rêve. Mais il faut se rappeler que la délinquance n'est pas étroitement liée à la classe sociale. C'est une question d'éducation d'abord. Justement. Avant d'être classe ou quand on parle de classe sociale. Justement, c'est votre collègue qui parle de classe sociale. Parce que moi, dans mon livre, il y a un équilibre. Il n'y a pas que les riches qui sont concernés. Il n'y a pas que les Peuls ou les Halpo, les Soninké ou les Wolof ou les Bidan. tout le monde est concerné dans le livre. Tout le monde est représenté d'une part. Évoqué quelque part, ouais. Tout le monde est représenté d'une part. Donc, c'est au lecteur de s'imaginer qui est Moore, qui est Halpolar, qui est Soninke, qui est machin. On a du mal, moi ce sera ma critique à moi, je pense que ce sera l'une de mes rares critiques d'ailleurs. On a du mal un peu à accrocher de cette partie, de cette imprégnation, parce qu'en Mauritanie, on aime trop bien citer les Moore, les Soninke, les Wolof, les Polar. Dans votre livre, on ne retrouve pas ça forcément, on a des prénoms. Ouais. On a quelques patronymes des ouais, Sawo, on imagine qu'est-ce qu'ils sont qui, mais voilà, j'ai pas trouvé de wool, j'ai pas trouvé de bas, et pourtant ils font les gens. Ouais, le wool, de toute façon le wool, même en Anshot maintenant ça n'existe plus le wool, parce que dans les nouveaux documents officiels le wool a été supprimé, donc le wool ça veut rien dire, mais quand même une fois qu'on lit le livre, on saura, parce que de toute façon Anshot on sait qui est qui. Donc, il faut pas. Une fois que le livre, vous le lisez, vous saurez exactement. Parce que quand vous lisez un film, c'est comme quand vous suivez un film. Vous faites le film dans votre tête, en fait. Donc, c'est à vous d'imaginer qui est qui, qui est qui. Donc. Merci pour ces indications. Donc il fallait des clés pour comprendre en profondeur votre livre. Comment dire, cette vie que vous décrivez quelque part, est-ce que ce n'est pas, c'est mon sentiment de lecteur, hein, du talent gâché tout simplement, parce que c'est quand même des garçons et des filles, plutôt des garçons d'ailleurs, qui auraient pu réussir d'une certaine façon parce qu'ils sont dans un lycée certainement privilégié, comme de la manière dont vous le décrivez, mm-hmm. mais ils ne s'adonnent pas du tout aux études. Ils font tout le contraire. C'est des jeunes, je veux bien les comprendre, mais ils ne font pas ce que font beaucoup de jeunes dans d'autres pays du monde, c'est-à-dire du sport, ça n'apparaît pas. Aller draguer les filles, ça n'apparaît pas. Leur alpha et leur bêta, c'est la drogue. Ouais, non, en fait, c'est juste 24 heures de leur vie. C'est pas toute leur vie qui a été relatée dans le... On parle du roman, nous. Oui, justement. Ouais. Non, donc, en fait, ces jeunes, comment ça s'appelle, ils s'adonnent à la drogue parce que tout simplement, c'est un effet de mode. C'est partout pareil. Dans tout le monde entier, en fait, de toute façon, l'Afrique, nous, en Mauritanie aussi, bon, particulièrement, Mauritanie fait partie de l'Afrique, vous avez une importation de la culture occidentale. C'est-à-dire, les jeunes, ils copient tout ce qu'ils voient à la télé. Vous voyez, ouais. Donc c'est dans tous les lycées, hein. pas forcément le seul lycée que j'ai cité, hein. Dans presque tous les lycées, vous avez des jeunes. Vous ne donnez pas le nom du lycée, justement. Je ne donne pas le nom du lycée pour des raisons, je ne sais pas. Pourquoi ? Et ces personnages, ils ont existé dans la réalité ? Bien sûr, ils ont existé. Bien sûr. Ah oui, donc ces personnages ont existé. On va parler des personnages en profondeur, juste si tu auras la parole tout de suite. C'est à nous parler justement des personnages féminins. Nada plutôt, excuse-moi. Oui, monsieur... Bayer Koba. Vous avez du mal avec le Koita, monsieur Koita. Comme dans toutes les émissions, je reviens souvent sur la question des femmes et sa place au sein de la société mauritanienne, surtout quand je suis sur un plateau en face d'un homme intellectuel. Comme vous savez, ils ne sont pas nombreux les intellectuels mauritaniens qui défendent les droits des femmes et qui osent s'exprimer justement sur les droits des femmes, et surtout souvent en 24 heures, si je me permets de reprendre le titre de votre ouvrage, en 24 heures en Mauritanie, à Nouakchott ou dans une autre ville si vous voulez, il se déroule les femmes... Tous les jours sont victimes quand même des viols, des mariages forcés et précoces, mais aussi des inégalités économiques ou sociales, polygamie et autres. Et surtout, souvent, on essaie d'islamiser certains coutumes pour maintenir ce pouvoir, cette domination masculine sur les femmes. Comment vous voyez la femme mauritanienne aujourd'hui? Pensez-vous qu'elle a pu trouver sa place au sein de sa communauté? La femme mauritanienne a trouvé sa place dans la société depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Aujourd'hui, dans la société mauritanienne, la femme a toute sa place. L'exemple type dans mon livre, vous avez la femme du député qui est une excellente femme d'affaires, qui mène sa vie activement. Vous avez... Active, pas si sûr, qui passe toute sa Par toute contre, la journée vous n'avez pas ça, suffisamment parlé de la souffrance des femmes mauritaniennes. Ouais, mais en 24 heures. Non, mais c'était pas le but du livre, en fait. C'était pas le... Mais vous auriez pu quand même dénoncer... cette inégalité homme-femme en Mauritanie, quand vous parlez des filles de la société mauritanienne en 24 heures, je pense que c'est un sujet très important. Oui, c'est un sujet très important, mais c'est-à-dire que ce n'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est quoi? C'est de montrer à travers nos actes, à travers nos comportements, comment nous arrivons à contourner la loi, c'est-à-dire à aller au-delà de la loi. Alors mais que nous nous disons... D'ailleurs la question de Nadal est très importante parce que vous donnez quand même une image très policée des jeunes filles notamment qui, au fond, on ne sait pas ce qu'elles font. Elles vont dire qu'elles vont étudier, finalement elles parlent beaucoup. Sans vraiment étudier, mais contrairement par exemple aux garçons qui se droguent, qui ont des voitures, qui font beaucoup de choses, des filles elles sont déposées par des chauffeurs. Et voilà, la question de Nada, je pense qu'elle est centrale. Pourquoi cette image très policée? Et vous avez dit qu'elle a trouvé sa place depuis très fort longtemps. Non, mais moi je pense que la femme a toute sa place dans mon livre. J'aimerais que vous me vanciez des arguments convaincants. La femme a toute sa place dans mon livre. Pour la simple et bonne raison que. Ouais. De la manière que j'attaque les hommes, c'est de cette même manière là que j'attaque les femmes. Parce que pour moi, ce que je voulais vraiment montrer à travers mon livre, c'est le principe du non-respect de la loi. Ça apparaît très clairement. Exactement. Qu'on soit femme ou homme, qu'on soit grand ou petit, oui. En fait, c'est juste cette image que je voulais montrer. Donc, par ce principe-là, c'est-à-dire à savoir le principe du non-respect de la loi, ouais. Je montre aussi bien des femmes, aussi bien que des hommes. D'ailleurs, par exemple, la femme qui boit de l'alcool, ça, j'ai eu même des appels anonymes, hein, comme quoi que, je ne sais pas, la Mauritanie, tu ne dois pas te permettre de dire ça, et des femmes qui boivent de l'alcool, or que c'est vrai. Des gens qui t'ont interdit d'en parler. Bien sûr, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. D'ailleurs, il y a une scène dont on ne va pas raconter la fin, la femme qui a bu ou bien des brigands sont passés quelque part par là, est-ce qu'elle va finalement mourir ou pas? Les auditeurs sauront en achetant et lisant votre livre. Tout de suite, je vais passer la parole à Basulé qui va nous parler plutôt de la forme du livre. Ouais, je voudrais savoir juste la façon dont votre livre il est écrit, il est un peu quand même spécial. Mm-hmm. Je voudrais savoir quel genre littéraire vous utilisez, bon. Où vous classez. Ma maison d'édition l'appelle... genre actualité société, mais moi je suis très bien conscient que c'est un nouveau genre, vous voyez, mais voilà, je ne peux pas m'inventer un genre à moi tout seul, mais j'avoue quand même que c'est un genre un peu particulier. Ouais. Comment vous est-il venu l'idée de faire ce genre-là? Tout simplement parce que déjà, ça fait longtemps que je pense à écrire des livres. Mm-hmm. Et pour ce livre en particulier, j'ai vraiment été inspiré par une série télévisée qui s'appelle 24 chronos, incarnée par le talentueux Kiefer Sutherland, connu sous le nom de Jack Bauer. Donc, il m'a vraiment inspiré pour ce livre. C'est pour ça que j'ai fait la méthodologie comme ça. En fait, le timing et tout, j'ai fait 24 heures, chaque heure étant un chapitre, et puis je raconte paf. D'accord. J'ai une question par rapport à la corruption et la dépravation des mœurs en Mauritanie, ouais. Et particulièrement en Nouakchott. Est-ce que vos personnages, ouais. Ils représentent la Mauritanie nouvelle? La Mauritanie sous Abdelaziz? En tout cas, ils représentent la Nouakchott nouvelle, en tout cas. Il représente la Nouakchott. Il représente le Nouakchott. Le Nouakchott nouvel. Oui, quoi, j'ai bien apprécié la citation de Blaise Pascal que vous avez citée dans l'introduction. Ouais. Pourquoi vous l'avez choisi? Ouais, parce que c'est une citation très très importante. Ça parle en fait de, c'est-à-dire nous, vu que mon roman s'intitule Direct 24 heures et qu'il se passe en 24 heures, donc vous imaginez que le temps, c'est vraiment, ça coûte vraiment cher. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai mis cette petite citation de Blaise Pascal, parce que les gens, on est tout le temps pressés, on passe tout le temps au passé, au futur. Là même, on est assis là, on est en train de penser ce qu'on va faire dans les heures à venir, alors qu'on ne s'occupe pas du présent. Est-ce que vous voyez? Donc, le livre, en fait, c'est comme ça, en quelque sorte. Tout le monde est en train de courir pour se projeter dans l'avenir, alors que le présent, on ne le vit pas. Donc, du coup, on est tout le temps angoissé, on est tout le temps malheureux. J'ai bien aimé quand même votre livre, Direct 24 heures, et je recommande sa lecture. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Basulé. Je suis resté sur ma fin, c'est la question de le fait que vous utilisez vos personnages pour essayer de relater une réalité sociale et politique qui existe en Mauritanie. Pourquoi vous répondez pas à ma question en disant que est-ce que aujourd'hui, avec la lutte contre la corruption et la lutte On sait qu'aujourd'hui en Mauritanie, les prisons regorgent des jeunes. Mmh. Et moi, je peux vous donner même des cas, des exemples, parce que je suis en contact avec des gens qui sont en contact avec des prisonniers. Ouais. Même si la drogue, même, opinion, si va, vous, la si drogue même se vend à la prison si civile. Si vous voulez mon opinion sur le Nouakchott d'aujourd'hui, je peux vous la dire. Mauritanie de manière globale et la lutte contre la corruption. Exactement. Est-ce que si vous, en tant qu'écrivain, qu'en pensez-vous? Si vous voulez mon opinion sur la Mauritanie d'aujourd'hui, je vais vous dire que la Mauritanie n'a jamais été aussi, je ne sais pas moi, aussi corrompu. Non, aussi rétrograde, j'allais dire, parce que aujourd'hui, il faut pas se leurrer, le président qui est en place, il se fout de la gueule de la République. Ah, à commencer par lui. Voilà. OK, donc la deuxième saison, je pense qu'on parlera de lui éventuellement. Ben exactement, ça c'est sûr. La saison 2, on parlera de lui. Okay, ça va remonter jusqu'à donc lui. Donc on est parti pour des saisons de voilà, donc non mais juste pour répondre à sa question de manière sérieuse, parce que la Mauritanie aujourd'hui, il faut se dire la vérité, il y a pas de justice, il y a pas de loi, il y a pas d'égalité. Même quand vous voyez le président avant d'être élu, il a fait sa campagne comme quoi il va essayer de faire partager l'administration à toutes les tranches de la société, mais ce n'est pas le cas. Si vous allez dans l'administration, vous allez voir des gens qui sont pro-Aziz. Si vous allez dans toutes les instances de la République, vous ne voyez que des gens qui sont proches de lui. Et là, lui, il a fait ses deux mandats. Peut-être il va essayer de faire un troisième mandat et plus personne ne l'en empêchera. On ne va pas faire de la politique fiction. Donc c'est ça, si vous voulez, la Mauritanie est pire que la Mauritanie qu'on a connue il y a 15-20 ans. Merci beaucoup. Ma dernière question, pourquoi avoir choisi Nouakchott? Peut-être que vous y êtes né, je ne sais pas, mais il y a d'autres villes en Mauritanie où ça peut se passer également ces genres de cas. Oui, à mon avis, bon, Nouakchott, parce que Nouakchott, c'est la capitale, j'y ai vécu, j'y suis né même, donc j'y ai grandi aussi. Et puis je connais bien Nouakchott. Donc, ce que je raconte dans mon livre, c'est un vécu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, du coup, je ne pouvais pas m'aventurer sur d'autres villes. Même si je pense que dans les autres villes, c'est pareil. C'est-à-dire, dans les lycées, vous avez des jeunes qui... Parce qu'en fait, il ne faut pas se tromper. Les jeunes d'aujourd'hui, quand ils vont, les collégiens, les lycéens, pareil, quand ils, ce qu'ils voient à la télé, c'est ce qu'ils veulent faire dans la réalité. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent s'acheter de la drogue, se défoncer. Ma dernière question pour finir. Ma dernière question. Est-ce que vous conseillerez quand même aux jeunes qui vous liront éventuellement de ne pas pratiquer ce qu'ils voient dans votre livre? En fait, de toute façon, toute personne normale se doit de déconseiller l'usage de la drogue. Ça, c'est obligé. Mais moi, je ne suis pas dans un rôle de moralisateur ou de donneur de conseils. Moi, je décris juste une réalité que j'ai vue, que j'ai vécue. Donc, je transmets pour que les gens de Nouakchott comme de l'extérieur de Nouakchott puissent voir ce qui se passe dans Nouakchott à travers 24 heures. Et ça, je vous le dis, je vous le redis tous les jours, c'est comme ça. Mais vous ne direz pas, comment dire, non, parce que je ne vous demande pas de vous imposer un moralisateur, mais est-ce que vous diriez quand même aux gens, je répète ma question, qui vous liront de ne pas pratiquer ce qu'ils lisent dans votre livre? Oui, parce que ouais, bien sûr que je le dirais. Merci, ça. Parce qu'il n'y a pas que de la drogue, il y a la corruption, il y a l'alcool. Il y a le crime. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des fléaux. Donc, merci, voilà. Bayer Obakoïta. Je rappelle que votre livre est sorti très récemment. Il est publié aux éditions Edit Livre. Edit Livre plutôt. Ouais. Il s'appelle Direct 24 heures. Ça se passe à Nouakchott. Il y a beaucoup d'anecdotes. Et nous conseillons vivement nos éditeurs à se procurer. À se le procurer, ce livre qui, je pense, plaira beaucoup aux Nouakchottois et aux gens qui ne connaissent même pas Nouakchott. Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, Amadou Khan nous fait part de ce qui se passe sur la toile. C'est l'actu des réseaux sociaux. Ensuite, notre invité, Bayer Obakoïta, répond au questionnaire. Le temps qu'Amadou Khan sorte sa tête de sa tablette, un détour par le désert mauritanien, Kumba Mintouar Khan nous chante « Joyeux ». Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde d'ailleurs. Yeah. écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs. Vous écoutez Regarde ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, notre invité Bayoroba Koïta, auteur du livre Direct 24h aux éditions Edith Livre, répond au questionnaire. Tout de suite, ça clique, ça like, ça tweet. C'est l'actu des réseaux sociaux avec Amadou Khan. Amadou, bonsoir. Bonsoir à vous qui nous écoutez sur vos tablettes, vos ordi et vos smartphones. Vous avez compris, c'est l'actualité des réseaux sociaux et c'est votre fidèle serviteur à Khan qui passe à la commande. Je suis tellement fidèle à vous et je ressens un immense plaisir de venir vous raconter mes balivernes que j'ai filé tout de suite à la radio après une journée entière passée à essayer de convaincre mes clients que mon restaurant était le meilleur de Paris. Mais j'imagine que vous vous en foutez complètement. Mais bon, moi aussi. Autre chose complètement dingue, mon collègue Si Abdoulaye a raconté le président Hollande à son lieu de travail et depuis on essaie de le faire descendre du ciel. Je vous jure, sur la tête de Mark Zuckerberg, c'est vrai, puisque c'est Facebook qui me l'a dit. Mais là aussi, vous en avez rien à cirer. Je sais, de l'autre côté, vous êtes en train de vous dire que cette émission est en train d'aller en couille, que ce mec est en branleur et ce qu'il est en train de meubler. Je vous suis d'accord avec vous, tout à fait, avec vous, mais c'est tellement n'importe quoi dans ce pays que c'est difficile de trouver un sujet qui est capable de faire tenir une chronique radio de 2 minutes. Vous avez quand même quelque chose à dire, Monsieur Khan? Oh non, c'est doux. Non, même pas la visite d'Aziz à Zoeirat, par exemple? Ah oui, celle-là, elle a été pour le moins caillouteuse. La visite du Raïs au nord du pays, Aziz a été accueilli par les jets de pierre et par des cris de « zéro Aziz, zéro Aziz ». Comme on s'y entendait, la TVM a passé sous silence cet incident, mais c'est sans compter sur la présence des blogueurs et des reporters d'un jour qui ont filmé et publié toute la scène sur Facebook. Les réactions étaient nombreuses avec une tendance générale qui s'est dessinée, celle qui consiste à comparer la cité du nord, poumon économique du pays, au sud encore, oui, ou encore aux deux hôtes. Je vais brièvement citer M. Ibrahim qui dit, je cite, Zoeirat, ce n'est pas Bababé, Kaidi, Wanwan ou encore Tialgou, ou les populations qui se comportent comme des moutons à chaque fois que le président vient chez eux. Ou encore, c'est sûr que Zoeirat, vache laitière du pays, n'est pas les deux hôtes. Merci Amadou Khan pour cette actu des réseaux sociaux. Et pour finir, comme à notre habitude dans cette émission, nous aimons espionner nos invités. Pour les cerner, j'avoue qu'en allant sur votre page Facebook, M. Bayoroba. Bayoroba. Monsieur Bayoroba Koïta. Bayoroba Koïta. Ok, Monsieur Bayoroba Keïta. Koïta. On va y arriver. Bayoroba Koïta. Bon, j'avoue qu'en allant sur votre page Facebook, mais j'ai eu du mal à me faire une idée. Du coup, je vous pose la question, de quel type de Facebooker êtes-vous? Bah, un Facebooker normal. J'ai juste comment ça s'appelle, un compte Facebook comme tout le monde. Et de quoi vous parlez sur votre page Facebook? Bah, je parle de rien. Je me mets en relation avec mes amis, la famille. Et maintenant, voilà. Vos lecteurs. Peut-être. D'accord. Merci à vous et je vous rends l'antenne, monsieur. Merci Amadou Khan pour cette chronique très caillouteuse aussi, un peu comme la visite d'Aziz. Vous écoutez Regarde ailleurs sur rmiinfo.com. C'est à Camara. Reviens sur ce plateau dans un instant pour le questionnaire face à lui, Bayoroba Koïta. Regarde ailleurs sur rmiinfo.com. Se poursuit. C'est à Camara et sur le plateau face à lui, Bayoroba Koïta. C'est le questionnaire. Bayoroba répond au questionnaire. C'est à, tu nous expliques un peu le principe? Alors, c'est très simple. Hein. Il faut répondre à un maximum de questions en 2 minutes. Si vous répondez à 10 questions, vous avez gagné. Ce n'est pas d'avoir tort ou raison, hein. C'est simplement le fait d'y répondre, tout simplement. Êtes-vous prêt, M. Koïta? Je suis toujours prêt. Alors, au goûter d'après-midi, vous êtes plutôt beignet, fataya ou tièbre réchauffé? Tièbre réchauffé, ah ouais. Quel est le dernier concert d'artistes mauritaniens que vous avez vu? Alors, le dernier concert d'artistes mauritaniens que j'ai vu, c'était en Mauritanie. Donc, ça doit être Yero Gainaku, du groupe Minente. Ok. Et puis, c'est un rappeur que j'aime bien aussi. Ah, c'est bah parfait. Oui. Entre le Mbakhal et le Daring, quel est votre plat préféré? Ah, je préfère le Darine de loin. D'accord. Quel là, quartier au moins, y a la tomate. Quel quartier préférez-vous à Nouakchott? Bah, mon quartier, Iloa, sans discussion. Vous avez Jacob Zuma au téléphone, que lui dites-vous? Bah, je lui dis, monsieur Jacob Zuma, attendez, tout le monde m'appelle Jacob, il va falloir un jour que, voilà, tout le monde m'appelle Jacob Zuma, il va falloir un jour que, je sais pas, que, qu'on se rencontre ou quelque chose comme ça, parce que les gens me donnent le même nom que vous, et puis voilà. Très bien. Vous êtes plutôt Eli Ould Mohamed Val ou Mohamed Ould Abdel Aziz? Ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est clair. Vous êtes plutôt Youssou N'Dour ou Baba Mal? Youssou N'Dour, de ouf. Quel plat maîtrisez-vous le mieux? Plat préparé ou? Oui. Bah, je sais pas. Ok. Je sais pas, je maîtrise plein de choses, mais je sais pas lesquelles je maîtrise le mieux. Plus. Un plat où vous pouvez pas rater. Le plat où je le fais le plus bien. Mm-hmm. Le mieux possible, quoi. Oui. Bah, je sais pas. Je sais pas, on va dire Tcheb, allez, Tcheb. Un Tcheb. Tcheboudjane ou Tcheboudjane? Bah oui, Tcheboudjane. Ouais. D'accord. Quel est le dernier film que vous avez vu? Alors, le dernier film que j'ai vu, en toute sincérité, c'est... Comment ça s'appelle? C'est le film de Vincent Cassel, là, avec Léa Sadou. Je l'ai vu avec une pote au cinéma. On ne voit pas le titre, mais on continue. Okay. C'est La Belle et la Bête. Ah, d'accord. Quel est votre fruit préféré? Le quoi? Votre fruit préféré. Mon fruit préféré? Alors là, c'est un peu difficile. Mon fruit préféré. Putain. Désolé. Il y a toute la vérité qui vous écoute. Bon, on va dire la pomme. Allez-y, la pomme, juste pour voilà. Avez-vous déjà fumé autre chose que de la cigarette? J'ai jamais fumé, même de cigarette, j'ai jamais fumé. Où étiez-vous le jour du coup d'État échoué de Salah Annan contre Mawia Oultaya? Du coup d'État de quelle année? 2003. J'étais chez moi et les sentinelles étaient pas loin de moi parce que vu que j'habite dans un quartier résidentiel pas loin de tout ça là, tout se passait sous mes yeux en quelque sorte. D'accord. Vous faites du sport? Oui. Lequel? Je fais trois types de sport. Je fais de la musculation, oui. Je fais de la natation et je fais un peu de boxe. Très bien. Votre personnage préféré dans la série Un Café Avec? C'est une série sénégalaise. Non, je suis pas ça. D'accord. Le village qui vous a plus séduit en Mauritanie? Le village qui m'a le plus séduit? Attends. Ouais, on va dire Bababé. Bababé? Ouais. Bababé, c'est une ville en Mauritanie. Hein. Géographiquement parlant. Bababé, c'est une ville? En Mauritanie. Bah, je sais pas moi. Donc, on va dire. Non. Non, pas Djadjibiné. Lixeba. Ok. Dans quel habit êtes-vous le plus à l'aise entre le grand boubou et le kaftan? Et le kaftan? Mm-hmm. Bah, le kaftan, de toute façon, il est démodé. Plus personne ne le porte maintenant. Donc, je vais dire grand boubou, demi-saison ou quelque chose comme ça. Très bien. Et alors, pour terminer, est-ce qu'on a un fogo kono sonique khan? Yo, je traduis juste ce que je viens de dire. Je lui ai demandé s'il pouvait dire quelque chose en sonique pour terminer. On vous écoute, monsieur. Voilà, Kouita. Donc, moi, je suis Ndarakouni. Et salut donc, tout le monde. Donc, Nyani Bayaroba, Dira Junkanya Lenki, Ngari Devin présenté. Bon, Kenya Anton, donc, Jam de Réri Kamarek, Ndarakouni, Donc, voilà. Il est très content d'être là et salut tout le monde. Salut tout le monde. Nous aussi, on salue tous nos auditeurs, locuteurs de Soninké. Et je vous dis bravo pour la Sumpundorati. C'est le seul mot que je sais dire en Soninké. vous écoutez Regard d'ailleurs sur RMIinfo.com. Notre invité était aujourd'hui Bayaroba Koïta. Il vient de publier le livre Direct 24 heures, un récit qui se passe à Nouakchott aux éditions Edilivre. Regard d'ailleurs, c'est presque terminé. Merci à Basile, Nadal Wakaf, Sieta Kamara, Amadou Khan, Abdoulaye Sy et Christophe Albert pour la technique. Bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez en France, en Mauritanie et partout dans le monde. Vous pouvez réécouter, podcaster, réagir sur votre émission sur Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Avant juste de vous dire au revoir, je signale que sur notre site, vous pouvez désormais voir et revoir toutes nos émissions, les entretiens et les chroniques, même celles que vous n'avez pas entendues forcément dans Regard d'ailleurs. Donc allez-y, il y a beaucoup d'informations pour vous. Et je n'ai plus qu'à vous dire à très vite.